Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire d'une photo et une photo pour l'histoire, la poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat le 13 septembre 1993, geste qui officialise les accords dits d'Oslo. Nous avons tous en tête cette photo, mais que savons-nous de la genèse de cet accord historique entre Israéliens et Palestiniens? Qui sont les hommes qui l'ont rendu possible? Que savons-nous des jours, des mois et des années qui ont suivi cette promesse de paix? De Tunis à Tel Aviv, de Gaza à Oslo, nous allons vous faire entrer dans les discussions secrètes qui ont abouti à ces accords d'Oslo, aux côtés des pèlerins de la paix, ces Israéliens et ces Palestiniens, qui ont imaginé ensemble un futur commun. Parmi les sources utilisées pour préparer cette émission, vous entendrez des extraits des entretiens enregistrés par les réalisateurs Daniel Sivan et Morlouche pour leur documentaire « Au cœur des accords d'Oslo » diffusé sur Arte. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Charles Anderlin, correspondant de France Télévisions en Israël, auteur d'un livre référence sur le sujet intitulé « Paix ou guerre, les secrets des négociations israélo-arabes 1917-1995 » chez Fayard. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il y a des jours où l'histoire nous donne rendez-vous. Le 13 septembre 1993 en était un, du moins, nous l'espérions. C'était il y a maintenant plus de 25 ans, dans les jardins de la Maison Blanche. Ladies and gentlemen, Mr. Arafat, Chairman of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, the President of the United States. Devant les caméras du monde entier, Bill Clinton avance, flanqué du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et du président de l'OLP Yasser Arafat. Cet après-midi-là, en Israël comme dans les territoires occupés, on se met à rêver qu'enfin la guerre pourrait s'arrêter et laisser sa place à cette paix jusque-là introuvable, quelque chose du genre « nous y sommes, c'était donc possible ». Rabin Arafat, deux voisins, deux vies, deux destins, l'arme au poing pour défendre leur nation. En 1948, quand Israël déclare son indépendance et fonde son État, Yasser Arafat, lui, entre dans les rangs des combattants de la cause palestinienne. Pendant quelques semaines, cet été-là, 19 ans, ce Palestinien du Caire découvre Gaza et la foule de ses gens sans terre. 10 ans plus tard, il fonde le Fatah, le mouvement pour la libération de la Palestine. Par le verbe et aussi par les armes, Arafat et ses compagnons tentent de tracer un chemin vers un État palestinien. Yitzhak Rabin, lui, se fait un nom en 1967. En juin et en 6 jours, il dirige les soldats qui conquièrent le Sinaï, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza et le plateau du Golan. Au lendemain de cette victoire historique, le natif de Jérusalem devient héros de la patrie, ovationné, reconnu. Le soldat range alors son uniforme de chef d'état-major pour le costume d'ambassadeur, de député et même de premier ministre, fonction qu'il atteint en 1974. Cette même année, Arafat devient la voix de la Palestine sur la scène internationale. Élu 5 ans plus tôt président de l'OLP, il s'exprime à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Son keffieh devient un symbole et sa vie un mythe qu'il forge de Beyrouth à Tunis. Pendant des décennies, Rabin et Arafat sont donc face à face, incarnation humaine d'un problème géopolitique majeur. Terroriste pour l'un, assassin pour l'autre, c'est ainsi qu'ils se voient, avec pour mémoire commune les combats, les bombes, la mort. Et pourtant, ce 13 septembre 1993, à Washington, ils sont côte à côte. Ce jour-là, ce sont leurs compagnons qui apposent leur signature sur la déclaration de principe dans laquelle Israël accepte de faire de l'OLP le représentant du peuple palestinien, tandis que l'OLP reconnaît le droit d'Israël de vivre en paix et en sécurité. Le document signé, la foule des spectateurs applaudit. Tout au long de la cérémonie, on sent les deux leaders presque en retrait, comme inquiets face au vertige de l'histoire. Et puis, pendant les applaudissements, Bill Clinton remarque qu'Arafat hésite à tendre la main à Rabin. Alors, le président américain pousse amicalement son ami israélien vers le palestinien. Et pour la première fois, Rabin et Arafat se serrent la main. Le choc de la photo et le poids des mots, ceux de Rabin ne mêlent passé et avenir, peine et pardon. Let me say to you the Palestinians. Laissez-moi vous dire à vous les Palestiniens, notre destin nous force à vivre ensemble, sur le même sol, sur la même terre. Nous, les soldats qui sommes revenus des batailles tachées de sang, qui avons assisté à la mort de nos proches et de nos amis, qui avons participé à leurs funérailles, ne pouvons pas regarder leurs parents dans les yeux. Nous qui venons d'une terre où les parents enterrent leurs enfants, nous disons aujourd'hui, d'une voix forte et claire, assez de sang, assez de guerre, assez. Ces discours, comme cette poignée de main entre Rabin et Arafat, cornaquée par Bill Clinton, sont publiés à la une de tous les journaux de la planète. Mais cette photo symbole de la fin du siècle dernier n'est-elle pas trompeuse? Les États-Unis sont-ils vraiment les architectes de cet accord? Comment cette reconnaissance mutuelle et ce processus de paix ont-ils été négociés? Et qui, dans chaque camp, s'y opposera? Tout commence 2 ans plus tôt, le 6 mars 1991, à quelques pas des jardins de la Maison-Blanche, au Capitole, où siège le Congrès américain. Alors que les États-Unis viennent de remporter la première guerre du Golfe, le président George Bush, père, déclare devant les représentants américains et face au monde « Une paix globale doit être fondée sur les résolutions 242 et 338 des Nations Unies et le principe de l'échange du territoire contre la paix. Il faut, en élaborant ce principe, garantir à Israël sécurité et reconnaissance et aux Palestiniens leurs légitimes droits politiques. Il est temps de mettre fin au conflit israélo-arabe. » Le moment est venu de mettre fin au conflit israélo-palestinien. Oui, bien sûr, ça fait des années qu'on le dit, sans trouver la solution. Alors, une fois de plus, après avoir réussi à monter une coalition internationale pour éjecter les soldats de Saddam Hussein hors du Koweït, le président George Bush ambitionne en mars 91 de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs du Proche-Orient. Les gendarmes du monde se rêvent alors en hommes de paix. Et c'est ainsi qu'au lendemain de ce discours historique, James Baker, le secrétaire d'État américain, entame une longue tournée dans l'ensemble des pays du Proche-Orient afin de concevoir une méthode et un tour de table. 7 mois plus tard, le 30 octobre 1991, la conférence de paix israélo-arabe s'ouvre à Madrid. Les journalistes du monde entier sont là, à l'affût de chaque déclaration, chaque tension. Après l'invention de la guerre sous les projecteurs de CNN, c'est la diplomatie que les Américains érigent en spectacle. Co-présidé par Washington et Moscou, les discussions sont bilatérales et multilatérales. Elles doivent s'étaler sur plusieurs mois dans différents lieux. Autour de la table, on trouve Israël, bien sûr, la Syrie, le Liban et la Jordanie, qui est accompagnée d'une délégation palestinienne. L'OLP de Arafat n'a pas été convié. C'est que Washington n'a pas apprécié le soutien d'Arafat aux tyrans irakiens. En coulisses pourtant, c'est bien le président de l'OLP qui garde la main sur les représentants de son peuple présents autour de la table. Disons qu'Arafat préfère rester dans l'ombre. Ou presque. En avril 92, le leader palestinien fait parler de lui en évitant une nouvelle fois la mort lors d'un accident d'avion. Au même moment, en Israël, c'est la campagne législative qui fait les gros titres. Rabin, le travailliste, le héros de 67, espère rafler la majorité, battre la droite, le Likoud. Durant cette campagne où les négociations de paix sont au cœur des débats, l'équipe de Rabin reçoit beaucoup de visiteurs. Parmi eux, un homme, un Norvégien, Terje Larsen. Il dirige une sorte de think tank qui représente son pays dans les négociations de paix ouvertes par les USA. En juin 92, quelques jours avant l'élection, Larsen rencontre Yossi Beilin, un spécialiste des questions diplomatiques, un proche de Shimon Peres. Ensemble, le Norvégien et l'Israélien évoquent les pourparlers ouverts à Madrid. Pour le Norvégien, il ne s'agit que d'une conférence de presse continue dont on ne peut rien espérer de sérieux. Non. Selon lui, seul le secret et la discrétion peuvent permettre aux anciens ennemis d'imaginer sereinement un chemin vers la paix. La Norvège est prête à mettre sur pied une seconde voie pour des négociations secrètes. Très bien, Béline en prend bonne note. Quelques jours plus tard, Yitzhak Rabin remporte le scrutin. Désormais chef du gouvernement, il place à ses côtés aux affaires étrangères Shimon Peres, qui prend comme vice-ministre Yossi Beilin. Ensemble, sans en parler d'abord à Rabin, ils acceptent d'étudier la proposition norvégienne. À leur risque et péril, comme le confirme Shimon Peres dans cet extrait du documentaire « Au cœur des accords d'Oslo » réalisé par Daniel Sivan et Morlouche. Nous nous trouvions dans une drôle de situation. Du point de vue de la loi, nous n'avions pas le droit d'entrer en contact avec les Palestiniens, ce que je trouvais aberrant. Quel autre choix avions-nous que le dialogue ? Et le terrorisme nous frappait de plein fouet. C'était des bombes dans les voitures, dans les bus, dans le monde entier. Ils étaient très actifs. Ils avaient tout un réseau terroriste bien organisé. Alors, loin des projecteurs et des micros, pendant plusieurs semaines, à l'occasion de voyages diplomatiques, le scénario de négociations secrètes se construit. Le 3 décembre 1992, un mois jour pour jour après la victoire de Bill Clinton à l'élection présidentielle américaine, à Londres, grâce à Terje Larsen, Yair Hirschfeld, un professeur d'histoire israélien proche de Beilin, rencontre Abou Allah, le ministre des Finances de l'OLP. Et c'est le premier tournant, ce sont les premières paroles. Fin décembre, la Norvège propose d'organiser, à ses frais et à sa discrétion, les prochaines rencontres entre Israéliens et représentants de l'OLP. Aucun calendrier n'est défini. Ils pourront parler le temps qu'ils le souhaitent. Les deux parties donnent leur accord. Les négociations secrètes débutent un jour après que le Parlement israélien a abrogé l'interdiction faite aux Israéliens de rencontrer des représentants de l'OLP le 20 janvier 1993 à une centaine de kilomètres d'Oslo. Côté israélien, Beilin, le vice-ministre des Affaires étrangères, a envoyé deux inconnus, oui, deux professeurs d'université, pour commencer. Yair Hirschfeld donc et Ron Pundak. Les Palestiniens, eux, sont représentés dès le début par une personnalité reconnue de l'OLP, Abou Allah. Durant ces premières heures, chacun se jauge, teste l'autre et tente de trouver la faille. Abou Allah est le premier à faire un pas. L'OLP conçoit que l'instauration d'un État palestinien ne peut être qu'un aboutissement et non un commencement. De plus, l'OLP accepte de ne pas faire un préalable départ des Israéliens de l'ensemble des territoires considérés par l'ONU comme occupés, l'autonomie de Gaza pouvant être un préliminaire à une autonomie progressive. Les deux professeurs israéliens écoutent, tentant chacun de cacher son émotion, car ils le savent. La proposition faite est historique. Les Palestiniens, eux, sont prêts à imaginer la paix par étapes. La balle est désormais dans le camp d'Israël. Quelques semaines après ses premières rencontres au printemps 1993, alors qu'une nouvelle flambée de violence apporte son lot de blessés et de morts à Gaza comme en Israël, à des milliers de kilomètres de là, en Norvège, les messagers des deux peuples se retrouvent afin de concevoir une entente et faire de l'autre non plus un adversaire, mais un partenaire. Les Palestiniens prônent un accord qui se fonde sur l'économie et quelques territoires symboliques. En plus de Gaza, ils souhaitent obtenir Jéricho, qui se trouve en Cisjordanie. Fin mars, les premières versions d'une déclaration de principe, d'un programme commun de travail et de coopération sont établies. Un grand pas est franchi. Mais Abou Allah doute. Quel est le poids de la parole de ces deux professeurs après tout? Lui et ministre, eux, que sont-ils pour Israël? Peuvent-ils vraiment faire face et donner ce qu'ils promettent? Terje Larsen, l'autre norvégien, sent que les négociations sont à un point de bascule. Alors, face à la situation, il s'envole vers Israël. Sur place, l'autre norvégien rencontre Yossi Beilin, qui en parle à Shimon Peres. Puis les deux hommes évoquent la situation directement auprès d'Yitzhak Rabin. Dès janvier 1993, le chef du gouvernement avait été mis au courant de ce contact, mais il avait laissé son ministre gérer ce canal secret. Sans doute dans un premier temps, Rabin n'a-t-il pas cru possible le succès de ces rencontres secrètes. Mais à partir du printemps 93, il accepte d'envoyer en Norvège un haut fonctionnaire des affaires étrangères, Uri Savir. La rencontre a lieu en mai 93. Officiellement, le directeur général du ministère des Affaires étrangères est parti inspecter l'ambassade à Paris. Officieusement, il profite de cette escapade dans la capitale française pour rejoindre Oslo en toute discrétion. Les Palestiniens sont rassurés, tout comme le ministre israélien qui juge fiable l'attitude et les propositions adverses. Nous étions deux peuples qui s'étaient fait la guerre. Il y avait beaucoup de suspicions. Nous avions le sentiment, non sans raison, que le peuple palestinien et la nation arabe voulaient nous jeter à la mer et rayer Israël de la carte. Nous étions attaqués. Notre existence même était menacée. Eux avaient l'impression d'avoir été contrôlés et humiliés par nous pendant 25 ans. Vrai ou pas, peu importe, c'était leur sentiment. Il y avait des blessures et des craintes profondes qu'il s'agissait de surmonter. Dès l'entrée d'Uri Savir à la table des négociations, une autre phase s'ouvre. Les discussions sont désormais plus juridiques, pointilleuses et politiques. Tout est remis à plat. Les promesses évoquées avec les deux professeurs se sont amoindries. Car la sécurité prend le pas sur la coopération économique et certains dossiers, comme le statut de Jérusalem-Est ou le tracé des frontières, tout cela s'est écarté. Non, face au changement de cap, les voix s'élèvent et les portes claquent. Dès qu'une proposition est avancée, un pion recule. Alors de nouveau, les représentants norvégiens, dont le ministre des Affaires étrangères, Johan Host, prennent leur bâton de pèlerin de la paix et rencontrent les chefs des deux peuples. À Tunis, ils voient Arafat, qui leur explique l'impossibilité de lâcher les Palestiniens de Cisjordanie. Sans eux, il perdra la tête du mouvement, et l'accord de paix deviendra caduque, pour reprendre son mot favori et historique. En Israël, c'est une autre ligne rouge qui est mise en avant, Jérusalem. Revenir sur cette conquête majeure de 1967 ouvrirait une crise politique sans précédent qui mettrait aussi en péril tout l'accord. De retour en Norvège, sa délégation admet la réalité politique de l'autre. La diplomatie reprend ses droits. Fin juillet, puis mi-août 93, chaque point est validé conjointement. Le texte de la déclaration de principe est mis au point. La responsabilité d'Israël en matière de sécurité ou contrôle des frontières est réduite. Le 20 août 1993, alors qu'aucune chancellerie, aucun chef d'État, aucun média n'est convié, Abu Ala et Uri Savir paraphent au petit matin à Oslo la déclaration de principe. De cette journée historique, il n'existe qu'une archive audiovisuelle. Une mauvaise cassette vidéo filmée par les services de sécurité norvégiens dont est extrait ce discours d'Abu Ala qui, après plus de 9 mois de négociations, prend la parole. J'ai pleuré deux fois cette semaine. La première fois, à 5 heures, quand nous avons terminé. Nous avons pleuré. Nous nous sommes félicités. Et nous nous sommes dit, c'est maintenant que commence le vrai, le grand combat pour le développement, la construction et la coopération. La suite est une course contre la montre afin de faire accepter cet accord aux différents acteurs. Alors que Rabin présente le texte aux députés travaillistes, Arafat lui explique au comité central du Fatah le processus de paix imaginé. Entre-temps, les représentants norvégiens rejoignent Washington pour obtenir la bénédiction de la Maison-Blanche. Pour éviter tout torpillage, les Norvégiens ont même imaginé de proposer aux Américains de s'effacer complètement et de dire à la presse que c'est sous le drapeau étoilé que ledit accord avait été conclu. Clinton, comme le secrétaire d'État, refuse et ne peuvent que saluer l'étendue du travail effectué. Le 9 septembre 1993, les deux parties s'échangent les lettres de reconnaissance mutuelles. Le 13 septembre, le monde assiste à Washington à la poignée de main historique d'Arafat et de Rabin. Mais combien de temps résisteront-ils aux injures et aux crimes des assassins de la paix dans leurs camps respectifs ? بحثت في الكتاب لكي أدرس التاريخ لقيت كله مليان الهجرات والإبعاد لقيت خطه مكتوب بحبر من عذاب من عصفة صحراء طلعنا خلقنا من تراب لكي نذوق المر لنعامل كالدواب حمام أبيض اختفى من وجوده بالسحاب حل بحله طائر يسمى بالغراب يبحث عن فريسة وعن مسبب للأسباب الخنص يحسب صفر لكن فتنا التعداد بالحسب بالنسب كان مفتخر للأجداد وماذا الآن جنينا غير البكاء اللي فات حاولت أصد هيت لكن القدر كان لكن القدر كان لكن القدر كان كان كان أقواه ماشي بطريقي أنا حبحث عن مأوى مأوى aux cérémonies protocolaires de Washington dans les rues de Jéricho, c'était l'euphorie et la spontanéité populaire. Le drapeau, des centaines, sans doute des milliers, brandis à bout de bras pour montrer l'appartenance et surtout la reconnaissance d'une véritable identité. Je suis très heureux. La paix, c'est magnifique. Quand les Palestiniens auront-ils un État ? Je ne sais pas, mais tout cela maintenant c'est de la politique. C'est beau la paix. Dans les rues de Gaza, Gaza qui pourtant ces dernières années s'était fait remarquer par la violence, par la dureté de ses affrontements, là aussi le temps de la fête était venu. Il semble hier que la poignée de main de Washington ait agi comme une véritable médecine, une sorte d'acte chirurgical qui a cautérisé les plaies d'antan. Le 13 septembre 1993, à la télé, on voit et on entend de nombreux Israéliens et Palestiniens sortir dans la rue célébrer les accords d'Oslo. Sur ces images, on a l'impression de vivre un jour d'armistice. Et pourtant, à Oslo, ce n'est pas la fin de la guerre qu'on a négociée, mais juste un chemin vers la paix. Tout est encore à construire, car dans ce conflit vieux de plusieurs décennies, il ne peut y avoir ni vainqueur, ni vaincu. L'objectif est le suivant. Les Israéliens et les Palestiniens se donnent 5 ans pour régler de façon permanente, selon les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, le statut du territoire dit « occupé » et la vie entre les deux peuples. Pour cela, on ne crée pas un État pour la Palestine, mais une autorité palestinienne qui doit prendre en charge Gaza et Jéricho, puis une partie de la Cisjordanie, d'où l'armée israélienne doit se retirer de façon progressive. Dès le lendemain de cet accord, c'est bien cette période de transition qui inquiète les dirigeants de chaque camp. Car ils savent que la diplomatie n'aime guère les deadlines et qu'au sein de leur camp, les adversaires de la paix joueront sur ce décalage pour faire campagne. Et c'est ce qui arrive. Dès les premières semaines, le calendrier est modifié, retardé, amendé. La marche vers la paix se grippe et, de nouveau, la mort frappe. Le 25 février 1994, une terrible nouvelle fait le tour du monde. L'homme qui a tué peut-être 58 Palestiniens ne connaît pas encore le bilan définitif. Dans la mosquée du tombeau des patriarches à Hébron, en Cisjordanie, cet homme, un colon juif, risque de porter devant l'histoire une terrible responsabilité. Le massacre a entraîné bien sûr une émotion intense dans toute la région. Des incidents très graves ont eu lieu immédiatement après la fusillade. Et les soldats israéliens ont ouvert le feu. 5 Palestiniens ont trouvé la mort dans les affrontements. L'armée israélienne a dépêché des renforts en Cisjordanie et à Gaza, où le couvre-feu a été décrété. L'auteur du massacre a, nous dit-on, trouvé la mort. On ne sait pas s'il a été abattu ou s'il s'est suicidé. D'ailleurs, on ignore encore beaucoup de choses sur cette tragédie. France Inter. Le bilan définitif de ce massacre est finalement de 29 Palestiniens tués et plus de 120 personnes blessées gravement. L'assassin s'appelle Baruch Goldstein. C'est un colon juif de 35 ans. L'onde de choc est mondiale. Les images sont insoutenables. Rabin téléphone à Arafat pour lui exprimer ses condoléances, alors que Shimon Peres, à la tribune de la Knesset, condamne l'assassin et fait face aux partisans du chaos. Un juif assassin est un assassin. Ce n'est pas un juif. Un juif nazi est un nazi, pas un juif. Un homme soi-disant juif tire dans le dos de fidèles en prière dans un lieu saint, un lieu sacré pour les Arabes et nous, chargeur après chargeur. Je suis révulsé. Puis il défend Arafat et les accords d'Oslo. Il nous faut un vrai partenaire, même si c'est difficile. Et il faut aider ce partenaire à tourner le dos au meurtre, sortir de l'erreur et abandonner la terreur. Il faut l'inviter à notre table pour inventer une nouvelle voie et non pas revenir au passé, revenir au bain de sang, aux situations désespérées, à toutes ces impasses et tout laisser vaciller, s'effondrer, s'épuiser. Dans le monde arabe, le portrait de Rabin est de nouveau brûlé, alors qu'au sein même d'Israël, le Premier ministre est vivement critiqué par les extrémistes religieux, ainsi que par le parti de la droite. Chez les Palestiniens, après les larmes, c'est la colère qui s'exprime dans les manifestations. 5 mois après la paix annoncée à Washington, la situation sur le terrain n'a pas changé. Plus le temps passe, plus la paix s'éloigne. Alors, au printemps 94, les rencontres et les annonces se multiplient. Fin avril, un accord économique est signé à Paris. Le 4 mai, c'est l'autonomie de Gaza et de Jéricho qui sont actées. Les Palestiniens vont pouvoir commencer à gérer certaines de leurs affaires dans ces deux régions. Mais est-ce suffisant? Certes, l'autorité palestinienne obtient des pouvoirs législatifs et exécutifs, mais Israël doit toujours donner son accord, par écrit, sur la composition de l'organisme. L'autorité palestinienne ne peut ouvrir ni ambassade, ni consulat. Au sein de la diaspora palestinienne, la politique des petits pas est vivement critiquée. Arafat perd peu à peu de son aura. Seules les images font illusion. Le 13 mai, devant les caméras, on assiste au premier départ des forces israéliennes et à l'arrivée des premiers contingents de policiers palestiniens, notamment au camp de réfugiés de Jebalia, où l'intifada a éclaté en décembre 87. Un mois plus tard, le 2 juillet 1994, un jour après son retour triomphal à Gaza, Arafat s'y rend. Le chef de l'OLP demande alors à ses compatriotes de la patience et de la raison, et il fait scander ce slogan. Palestine, nous sacrifierons notre âme et notre sang pour toi. 2 mois plus tard, le 19 octobre 1994, un homme se fait exploser dans un autobus de Tel Aviv, tuant 22 personnes. Il n'est pas de l'OLP, non, il est du Hamas. Déclaration, condamnation, funérailles, la tragédie se répète. À la fin de l'année 94, Arafat, Rabin et Peres reçoivent le prix Nobel de la paix, alors que les bombes et les assassinats emportent toujours des civils innocents. En janvier 1995, Tel Aviv subit encore des attentats. L'un d'entre eux, une bombe posée devant une station d'autobus, emporte 19 vies. En feuilletant les journaux durant ces mois de l'après-Oslo, on est frappé par ces deux réalités parallèles. Attentats et manifestations violentes d'un côté, diplomatie et avancée des pourparlers de l'autre. Le 25 septembre 1995, 2 ans après la signature historique de Washington, les deux leaders sont de retour à la Maison-Blanche. Un nouvel accord intermédiaire est signé afin de délimiter le pouvoir et les zones d'influence de l'autorité palestinienne, notamment en Cisjordanie. Quels en sont les principes? Eh bien, le président de l'OLP accepte le découpage du territoire en 3 zones avec des degrés d'autonomie différents. L'autorité palestinienne est responsable de la sécurité et de l'administration civile dans une zone dite A, où se trouvent 7 grandes villes. Mais elle ne représente que 2,5% de la Cisjordanie. Dans la zone B, qui en représente 27%, les Palestiniens assurent l'administration, mais pas la sécurité, du moins pendant 2 ans. Enfin, la zone C, la plus importante, représentant 72% du territoire, demeure sous autorité israélienne. Ces zones ne sont pas 3 ensembles côte à côte, non. Il s'agit d'une multitude d'enclaves. Sur la carte, l'État hébreu semble toujours avoir l'avantage sur l'autorité palestinienne. Et pourtant, C'est en Israël que les critiques sur l'accord sont les plus vives. En octobre 1995, lors d'un meeting de Benjamin Netanyahou, leader de la droite, on entend ces cris de jeunes militants religieux appelant à la mort de Rabin. Par le feu et par le sang, nous expulserons Rabin. Un mois plus tard, pour répondre à ces mots remplis de haine, est organisée à Tel Aviv, sur la place des Rois, la plus importante manifestation jamais organisée pour la paix. Pour la première fois depuis des années, Rabin semble heureux, soulagé. Il rit, il chante. Croit-il lui aussi désormais qu'il verra de ses yeux la paix entre ces deux peuples? Peut-être. Mais en rejoignant sa voiture, à la fin de la manifestation, Yitzhak Rabin est abattu par un jeune extrémiste religieux. L'émotion est immense, le choc planétaire, la perte irremplaçable. Aux condoléances des chefs d'État, une voix était attendue, plus que les autres, bien sûr, celle de Yasser Arafat, qui, malgré le drame, rêve toujours de paix. Very sad. Je suis profondément attristé and very shocked et profondément choqué for this par ce crime terrible. Par ce crime affreux contre l'un des plus courageux parmi les leaders d'Israël et les bâtisseurs de paix. J'espère que nous aurons la capacité, nous tous, Israéliens et Palestiniens, la capacité de surmonter cette tragédie. Dirigé contre le processus de paix et contre l'ensemble de la situation au Proche-Orient. Je présente mes condoléances to his wife, à son épouse, to his family, à sa famille, to the au gouvernement et au peuple Israeli israélien. To the Israeli people. Et ce ne sont pas seulement mes condoléances personnelles, mais aussi celles du peuple palestinien tout entier. Comme une évidence, l'homme qui prend la succession de Rabin, c'est Shimon Peres. Seul face à son pays et à la montée des adversaires des accords de paix, l'artisan d'Oslo ne bénéficiera jamais de l'aura de son prédécesseur. Sa gouvernance n'est qu'une succession d'hésitations et d'erreurs où il tente de convaincre ses compatriotes que la sécurité, c'est d'abord la paix. Alors que la campagne pour les premières élections électorales palestiniennes débute, on apprend l'exécution d'un militant intégriste et artificier du Hamas à Gaza, sans doute par les services de sécurité israéliens dans une zone pourtant sous les ordres de l'autorité palestinienne. Quelques semaines après cet événement, les bombes explosent de nouveau en Israël. Le 29 mai 1996, Benjamin Netanyahou gagne l'élection avec seulement 29 000 voix d'avance sur Shimon Peres. Depuis cette date, Arafat est mort et l'OLP a perdu son leadership face au Hamas. Une seconde intifada a éclaté en 2004. En face, en Israël, Benjamin Netanyahou, malgré plus d'une décennie de pouvoir, n'a pas encore réussi à tenir sa promesse de la paix dans la sécurité. Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, I'll be on my knees to feed her, spend a day to make her smile again. Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, as the world is soft around her, leaving me with nothing to disdain. Safe and sound, even though I'm not her minder. Even though she doesn't want me around, I'm on my feet to find her, to make sure that she is safe from harm. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les accords d'Oslo avec notre invité Charlan Derlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Jérusalem, vous êtes journaliste bien sûr, ancien correspondant permanent de France 2 à Jérusalem. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit israélo-palestinien. J'en citerai un, Paix ou guerre, les secrets des négociations israélo-arabes 1917-1995, chez Fayard, livre dans lequel vous revenez longuement sur notre histoire du jour. Alors avant d'aborder spécifiquement cette période 91-96 et les accords d'Oslo, on va revenir un peu en arrière, si vous voulez bien, ce n'est pas la première fois à ce moment-là qu'Israéliens et Palestiniens négocient en secret afin de trouver une solution. En 84 déjà, de longues discussions ont eu lieu. Quel était le contexte et qu'est-ce qu'elles ont donné? Oui, mais si vous permettez, ça a commencé pour moi. Mmh. En fait, en 1976, avec un Palestinien qui s'appelait Issam Sartaoui, qui a eu des rencontres à Paris chez un militant pacifiste communiste, Henri Curiel. Il a rencontré des personnalités du Conseil israélien pour la paix avec les Palestiniens, qui étaient dirigés par un ancien général, et deux personnalités politiques de premier plan. Les discussions, d'abord, sont allées pour la première fois sur l'idée d'une solution à deux États, une Palestine aux côtés d'Israël, et sur la nécessité d'avoir le mouvement sioniste et le mouvement national palestinien de s'entendre. Issam Sartaoui a été assassiné à Albufeira au Portugal en 82. Il participait à une réunion de l'Internationale socialiste. Il a été assassiné par un opposant, par un terroriste du groupe d'Abou Nidal. Par la suite, il y a eu des contacts très discrets avec des personnalités palestiniennes, des membres de l'OLP, proche d'Anwar el-Sadat, qui, je vous le rappelle, a donc conclu un traité de paix avec Israël en 1979. Le représentant de l'OLP au Caire s'appelait Saïd Kamal, et c'est lui qui a commencé, en 1982, en pleine guerre d'Israël au Liban, des contacts avec Yossi Beilin, qui était dans l'opposition, qui était un proche de Shimon Peres. Et dont on a parlé dans le récit, absolument, et qu'on retrouve après. Tout à fait, alors... Tout ça a été organisé à partir de 84-85 par un universitaire américain de Harvard qui avait le virus de la paix au Proche-Orient. Il s'appelait Steve Cohen. Il a été voir les Israéliens, il a fait des visites à Tunis, il a rencontré Yasser Arafat. Et c'est lui qui a organisé donc des rencontres qui se sont déroulées d'abord à New York et ensuite à Paris et à Bruxelles, entre les représentants officiels du gouvernement israélien. Le premier ministre était Shimon Peres, le ministre de la Défense Yitzhak Rabin, le secrétaire du gouvernement à ce moment-là était Yossi Beilin. Côté palestinien, on avait dans ces négociations non seulement Saïd Kamal, le représentant de l'OLP au Caire, mais aussi Hani al-Hassan, le numéro 3 de l'OLP, et puis les Israéliens, Yossi Guinossar, qui était le numéro 2 du Shin Bet, le service de sécurité intérieure en Israël, et un général de réserve, Shlomo Gazit. Alors, et c'est allé assez loin, allé pratiquement jusqu'en 86. D'accord. Donc ensuite, on va... Pardon, je vous bouscule un peu parce qu'on a que 20 minutes, il y en a pas mal de choses à dire. On arrive donc à la période qui était l'objet de ce récit. Le fait de ne pas avoir invité autour de la table Arafat et l'OLP, est-ce que c'était pas une façon quand même de mettre le verre dans le fruit? Est-ce que ça n'a pas affaibli dès le départ les possibilités de réussite de ces discussions? Écoutez, ces négociations parallèles, les deux côtés étaient constamment informés. Surtout, il faut savoir que pendant tout le processus d'Oslo, les négociations en Norvège, mais même avant, Yitzhak Rabin, premier ministre, savait exactement ce qui se disait à l'OLP grâce aux écoutes israéliennes. Mahmoud Abbas, numéro 2 de l'OLP, avait son bureau au Caire. Et même pendant la campagne électorale, avant son élection, Rabin avait envoyé un message à Mahmoud Abbas, mais en demandant à l'émissaire de ne pas parler dans le bureau avec le dirigeant palestinien, mais dans le jardin dehors. Pourquoi ? Parce que Mahmoud Abbas était assis littéralement sur des micros israéliens. Donc Rabin constamment savait ce que l'on pensait à Tunis, forcément. Ce que pensait la direction palestinienne. Alors, cher Anderlin, en essayant de pas être trop technique, mais précis, parce qu'on sait à quel point c'est compliqué à comprendre pour beaucoup de nos auditeurs, et c'est normal. L'enjeu des négociations, le principal enjeu, qui est peut-être venu la principale pomme de discorde, mais il y a peut-être eu deux, pas forcément un, c'est quoi ? Sur quoi ça a chopé ? Et sur quoi ça chope ce processus qui est historique, quoi. Il y a eu Oslo, mais on cherche encore la paix. Pour être très simple, qu'est-ce qui bloque avant tout ? Vous savez, lors des négociations, les toutes premières de 76-77, Pierre Mendès-France avait dit aux Israéliens et aux Palestiniens, vous devez faire très vite parce que les extrémistes risquent de vous prendre de vitesse. Allez. Je crois que c'est ce qui est arrivé. Les uns et les autres n'ont pas compris qu'il fallait avancer, qu'il fallait aller vite. Vous avez entendu dans le documentaire le massacre commis par Baruch Goldstein, le racisme des terroristes juifs à Hébron. Il a déclenché un véritable processus. Il a légitimé, en fait, aux yeux du Hamas, les attentats suicides terribles qui ont eu lieu par la suite. Donc, les extrémistes ont fini par gagner dans là. Et je crois que aussi bien la direction israélienne, la gauche, Rabin, qui en est mort, et Shimon Peres, qui a perdu le pouvoir finalement à cause de cela, n'ont pas compris la nécessité absolue d'affronter les extrémistes israéliens. S'il des deux camps, de vous dites, Charles, pardon, Arafat, qui n'a jamais vraiment combattu le Hamas. Voilà, parce que vous parlez des extrémistes israéliens, mais c'est la même chose pour les Palestiniens. Il fallait absolument aussi les combattre. D'accord, d'accord. Alors, l'après Oslo, c'est aussi une période durant laquelle, dans les deux camps, les adversaires de la paix ont gagné de l'ampleur. C'est exactement ce que vous dites. Et alors, pour mettre la lumière sur ce que vous venez de dire, on va écouter ensemble un extrait d'un entretien télévisé de Rabin au sujet précisément de la montée des opposants. Monsieur Rabin, parlons des colons. Vous aimez les irriter ? De quoi m'accuse-t-on à présent ? De les mettre en danger ? Avant, on nous expliquait que les colonies contribuaient à la sécurité. Où est la sécurité ? Notre problème aujourd'hui est d'arriver à les protéger. Les voyez-vous comme des pionniers ? Absolument pas. Pour moi, ce sont des gens qui réalisent un projet politique. Ils croient au grand Israël. C'est ça le sionisme ? Tenir une petite colline à côté de Ramallah ? Ou intégrer 700 000 nouveaux immigrants ? C'est bâtir une société et une économie, pas une énième petite commune cernée par les Palestiniens. Sharon Derlin, qu'est-ce que cette déclaration vous inspire, et notamment ces dernières phrases de Rabin qui sont très fortes quand il croit au grand Israël ? C'est ça le sionisme ? Tenir une petite colline à côté de Ramallah, par exemple ? Écoutez, d'abord, il y a effectivement plusieurs visions du sionisme. Il y a le sionisme libéral qui voit un État d'Israël dans les frontières de 1967, sans la Cisjordanie, sans Gaza, sans même Jérusalem-Est. Il y a un État juif qui se développe dans ses frontières. Ou bien alors, ce que l'on appelle un grand Israël, qui finira par devoir absorber une importante population palestinienne. C'est la solution d'un État binational, où alors une minorité aurait des droits en plus ou en moins. On parle d'une possibilité d'apartheid. Je crois qu'effectivement, Rabin avait la vision de ce qui risquait d'arriver. Est-ce que les colonisations ont diminué durant cette période ? Ah non. Enfin, à l'époque de Rabin, dans certains secteurs, oui, il avait interdit le développement des implantations, notamment dans le centre de la Cisjordanie. Ailleurs, il les avait autorisées. J'avais posé la question à Yasser Arafat, pourquoi est-ce que vous ne vous opposez pas complètement au développement des colonies et qu'est-ce que vous ferez avec ces centaines de milliers d'Israéliens en Cisjordanie? Arafat m'avait répondu, vous verrez, quand on aura un accord, ils partiront. Les Palestiniens aussi n'avaient pas compris l'importance de la colonisation. Les accords d'Oslo, c'est aussi, puisqu'on parle des Palestiniens, la naissance de l'autorité palestinienne. Quel est son pouvoir réel? Quel était son pouvoir réel à l'époque? Quel est son pouvoir réel aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Écoutez, il n'y a pas d'évolution. On est resté bloqué à peu près dans les années 98-99. Il n'y a pas eu de véritable développement. Mais vous savez, je crois que la droite israélienne qui a tellement critiqué les accords d'Oslo, aujourd'hui ne peut que se féliciter de la situation qui a été créée sur le terrain. 60% de la Cisjordanie, aujourd'hui c'est la zone C, est entièrement contrôlée par Israël, où dans les colonies la construction se développe. Il y a aujourd'hui 420 000 Israéliens habitant ce secteur totalement, je le répète, sous une souveraineté israélienne. Et je ne vois pas très bien comment, à partir de là, on pourra évoluer vers le développement d'une Palestine indépendante. Cela alors que Israël ne dépense pas un centime pour le territoire palestinien qu'il contrôle. Toutes les entrées, toutes les sorties sont contrôlées par Israël. Et la sécurité et l'ordre dans les villes palestiniennes autonomes est garanti par la police palestinienne. Et lorsque l'on parle avec des diplomates européens, eh bien, ils vous disent finalement, nous les Européens, ce que nous faisons, c'est financer l'occupation. La situation est calme. La Cisjordanie, on a de temps en temps des incidents. Et je crois qu'aujourd'hui, avant les élections qui vont avoir lieu en Israël, eh bien, Monsieur Netanyahou a de fortes chances de les remporter. Et on y reviendra. Je reste juste un moment encore sur la période qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut dire que... Bon, ce n'est qu'une formule, mais enfin, la victoire de Netanyahou en 1996 a rendu caduques les accords d'Oslo. Elle marque un tournant. D'abord, Netanyahou très finement est allé serrer la main à Arafat, a été obligé de conclure un accord avec Arafat, l'accord selon lequel Israël a été obligé d'évacuer les deux tiers de la ville de Hébron. Mais ensuite, Netanyahou a relancé la colonisation, notamment dans deux grands quartiers autour de Jérusalem, et cela a représenté pour moi une véritable rupture dans le fil qui devait mener vers un accord plus important. Netanyahou a perdu les élections en 99 parce que justement il avait conclu un accord avec Arafat. Charles Anderlin, vous savez comme moi que c'est un sujet qui est passionnel. Les gens se passionnent, quels que soient les pays, pour cette question. Et parfois les réactions sont assez épidermiques. Hein, vous connaissez bien cela. Si je vous pose la question, et c'est pas pour attiser le feu, mais vous demandez qui est responsable, finalement, globalement, de l'échec des accords d'Oslo, qu'est-ce que vous répondriez? Ah ben, je crois que tout le monde est responsable. Je crois que d'abord la direction israélienne n'a pas compris qu'il fallait aller très vite. Pourtant, lorsque Rabin est revenu au pouvoir en 92, son succès électoral était assez ricérac. Et pour faire passer un certain nombre d'accords avec les Palestiniens, un certain nombre de lois même, il a été obligé d'utiliser les voix, de faire appel aux voix des députés arabes israéliens, ce qui a encore hérissé la droite israélienne. Et puis la direction palestinienne d'Arafat n'a pas compris la nécessité absolue de mettre le Hamas et le djihad islamique hors d'état de nuire, les empêcher de commettre les très grands attentats suicides qui ont complètement fait basculer la population israélienne dans l'opposition à la paix. Quand Yitzhak Rabin a été assassiné, on se souvient tous de ce jour terrible, de près ou de loin d'ailleurs, hein. Vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Voilà, au-delà de l'humain, hein, politiquement, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand ça s'est passé? D'abord, j'étais persuadé qu'un événement de ce genre risquait d'arriver. Ça faisait des semaines, des mois que des colons, que des personnalités d'extrême droite me disaient « Cet accord d'Oslo ne sera jamais appliqué, nous ferons le nécessaire, les armes sont prêtes ». Dans la colonie à l'intérieur d'Hébron, il y avait sur des portes des maisons un slogan qui était collé, c'était le slogan, une phrase du gourou du mouvement nationaliste messianique, c'était « La main qui cédera un pouce du territoire de la terre d'Israël sera coupée ». Eh bien, c'est effectivement ce qui est arrivé. Vous savez, quelques semaines avant cet assassinat, j'avais filmé une prière kabbalistique pour la mort de Rabin devant le domicile du Premier ministre. À l'époque, ça n'avait même pas intéressé les chaînes israéliennes et j'avais été le seul à le diffuser. Et Rabin, que disait-il de cette situation-là et du danger potentiel qui était le sien autour de lui ? Écoutez, l'entourage de Rabin l'a persuadé d'abord de ne pas prendre de mesures contre les colons extrémistes qui se trouvaient dans le centre d'Hébron au moment du massacre commis par Baruch Goldstein en 94. Je crois que déjà là, c'était une erreur, mais Rabin était persuadé qu'il risquait la guerre civile avec le mouvement de colonisation, et c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas pris les mesures très importantes qu'il fallait prendre. Alors, de quand datent maintenant les dernières discussions connues entre les deux entités ? Charles Anderlin. Écoutez, je crois que c'est la dernière année de Barack Obama à Washington, son secrétaire d'État qui a tenté de négocier entre l'équipe de Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Ça ne pouvait pas réussir, c'était impossible des deux côtés. On est maintenant dans un autre monde. Les Israéliens n'ont aucune raison, le gouvernement israélien n'a aucune raison d'avancer vers un changement à la situation actuelle qui lui est tellement favorable. Enfin, Israël, je le répète, contrôle totalement la Cisjordanie, a une police palestinienne qui assure l'ordre là où il faut, ne dépense rien. Enfin, il n'y a aucune raison pour que ça change. Et pourquoi dites-vous, alors effectivement Netanyahou apparaît comme le grand favori, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce consensus du peuple israélien, enfin en tout cas une majorité qui lui permet de gouverner, autour de lui ? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire de ce point de vue-là ? D'abord, il est là, ça va faire 10 ans. C'est beaucoup, quand même. 10 ans pendant lesquels le ministère de l'éducation est tenu par la droite ou les sionistes religieux, c'est donc une nouvelle éducation en Israël, avec des messages qui passent. C'est une réussite économique quand même, même s'il y a des gros problèmes de pauvreté et qu'Israël est considéré comme un pays où les différences salariales sont les plus importantes de l'OCDE. Mais quand même, il y a une croissance du PIB de plus de 3%. Des pôles d'excellence technologique aussi. Bah oui, absolument. D'excellentes relations avec d'abord les États arabes, la paix avec l'Égypte a tenu, la paix avec la Jordanie fonctionne, Israël aujourd'hui a des accords avec de très nombreux pays, avec la Chine, l'Inde, un Israélien prend aujourd'hui, grâce au vol low cost en Israël, les Israéliens vont par millions vont prendre des vacances partout en Europe et ailleurs. Les Israéliens aujourd'hui, dans l'ensemble, on peut dire, vivent plutôt bien. Charles Anderlin, on a vu à quel point les personnalités pouvaient avoir une force dans l'entraînement parce qu'elles ont du charisme, justement. C'était le cas de Yitzhak Rabin, c'est le cas d'Arafat. Ils ne sont plus là. Ont-ils des héritiers ? Et la question de l'incarnation dans ce genre de problème, et problème est un mot faible, est-ce que la question de l'incarnation est importante ? Écoutez, je crois que oui. Il n'y a pas aujourd'hui, pour le public israélien, selon tous les sondages, un dirigeant qui pourrait remplacer Netanyahou à la tête du pays. Donc pour lui, pour ce qui est de la communication, c'est une véritable réussite, c'est ce qu'il a réussi à faire passer dans le public israélien. Et au sein de la droite israélienne, surtout au Likoud, le parti de Netanyahou, il a veillé à écarter tous les rivaux potentiels. Donc à l'heure actuelle, il est seul, il espère bien surmonter ces problèmes judiciaires qui pointent sérieusement à l'horizon. À gauche, il y a très peu de monde. La gauche israélienne a été ratiboisée ces dernières années avec une politique gouvernementale et une communication tout à fait anti-gauche. Charles Anderlin, il me reste à vous remercier, à rappeler votre livre, donc Charles Anderlin, Paix ou guerre, les secrets des négociations israélo-arabes 1917-1995, donc avec une édition actualisée. Hein. Je remercie Arte, la chaîne Arte, de nous avoir autorisé à diffuser des extraits de documentaires au cœur des accords d'Oslo, des réalisateurs Daniel Sivan et Morlouche. Et bien sûr, je vous conseille les documentaires de notre invité, Charles Anderlin, dont Le rêve brisé. J'en profite également pour remercier nos comédiens et leur contribution donc à la lecture de ces textes, parmi eux certains très forts, des textes très forts. Merci Philippe Pierrard, Aurélien Labruyère, Christophe Barrère et Eric Oswald. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les accords d'Oslo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Et merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.